Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Étudier la vie ancienne, fouiller la terre à la recherche du passé. Et puis, chercher dans les archives de l'INA un entretien avec un célèbre paléontologue, Camille Arambourg, membre de l'Académie des sciences, professeur au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Et trouver l'entretien, un entretien, celui qu'il accorda à Pierre Ichac le 9 octobre 1954 sur la chaîne nationale à propos d'une découverte paléontologique majeure, celle d'un homme fossile à Palikao en Algérie. Et enfin donc, écouter l'archive. Monsieur Arambourg, vous n'en étiez pas à vos premières recherches paléontologiques en Afrique, puisque avant cette guerre, vous aviez fait un voyage assez sensationnel quant à ses résultats, jusqu'au fameux gisement du lac Rodolphe à la frontière du Kenya et de l'Éthiopie. Mais depuis, vous vous étiez, depuis la guerre, concentré sur l'Algérie. Oui, j'avais depuis fort longtemps, d'ailleurs, je m'occupais de questions de paléontologie en Afrique, et en particulier de paléontologie humaine, et je m'étais toujours intéressé, surtout aux niveaux anciens du quaternaire, car j'estime que la préhistoire est extrêmement intéressante, évidemment, dans ses développements, mais ce qui, nous, paléontologistes, nous intéresse, ce sont les origines. Et j'avais donc essayé de rechercher les plus vieux gisements du quaternaire, dans lesquels on aurait quelques chances de trouver des vestiges de l'humanité primitive. Alors, c'est ce qui m'a orienté sur différents gisements. En particulier ? Eh bien, ça a été ceci presque accidentel. J'avais d'abord entrepris des fouilles dans des grottes littorales du golfe de Bougie, dans des grottes situées à une altitude assez élevée, parce que j'avais choisi cela, parce que je pensais que ces grottes étant très élevées au-dessus du niveau de la mer correspondaient à une période du quaternaire assez ancienne et que j'avais peut-être des chances de trouver dans les niveaux profonds des vestiges d'une humanité assez ancienne. Ce n'est pas ce qui s'est produit. Je suis en réalité tombé dans un ossuaire humain du paléolithique supérieur qui a tout de même fourni une cinquantaine de crânes et 7 squelettes, mais avec une industrie qui correspond aux industries de l'orignacien et les hommes que nous avons sortis de là appartiennent effectivement au groupe des cromagnoïdes. Oui, des parents de cette fameuse humanité de la vallée de la Dordogne. C'est ça. Alors ensuite Eh bien, après cette première chose, je me suis attaqué à des niveaux plus anciens. J'avais d'abord déjà prospecté plus exactement le gisement de Palikao pour lequel vous m'avez prié de venir. Ce gisement de Palikao est très ancien, était connu en Algérie depuis fort longtemps. Il était connu surtout comme un gisement de mammifères fossiles et d'une industrie humaine très primitive de type chelléen. Mais on n'y avait jamais trouvé de débris humains. Alors j'ai fait en 1931, j'ai fait une première prospection de ce gisement. Et je m'étais aperçu, c'était une sablière dont l'exploitation avait dû être interrompue parce qu'il y avait un cimetière indigène qui le recouvrait. Disons tout de suite que ce site se trouve à Palikao, non loin de Mascara, en Oranie. C'est ça, 17 kilomètres au sud-est de Mascara, exactement. Et alors c'est quand on a construit le village de colonisation de Palikao, vers 1870, qu'on avait, en exploitant la sablière, découvert qu'il y avait là-dedans des ossements d'animaux disparus et de l'industrie, une industrie très primitive. De sorte que, dans les milieux scientifiques et préhistoriques d'Afrique, on savait que le gisement de Palikao était un des plus vieux gisements d'Afrique, et on aurait bien voulu pouvoir y refaire des fouilles. Et alors en 1931, j'y suis allé, et je me suis aperçu en le prospectant qu'il serait peut-être possible d'y faire quelque chose sans toucher au cimetière indigène, en fouillant dans le substratum de la sablière que les exploitants en profondeur, où c'était protégé par une nappe aquifère. Alors, ce qui est d'ailleurs un type de scellement absolument parfait, vous étiez sûr qu'il n'y avait pas de prédécesseur. Justement, et alors c'est important, mais pas parce que je pense à l'authenticité de vos découvertes. Précisément. Et bien alors là, j'avais fait à cette époque-là un premier sondage là-dedans, dans la nappe d'eau, en épuisant l'eau avec des moyens de fortune, et j'en avais sorti pas mal d'ossements d'animaux fossiles et également de l'industrie chelléenne. Alors rappelons en deux mots ce que c'est que cette industrie chelléenne. C'est une très grosse industrie d'outils de pierre, grossièrement taillée. C'est ça, en forme d'amande, en forme de ce qu'on appelait autrefois des haches, n'est-ce pas? Et ce que les préhistoriens actuellement appellent des bifaces. Exactement. Les années ont passé, j'ai été occupé à autre chose. D'ailleurs, on ne pouvait pas reprendre des fouilles, il fallait des moyens financiers que nous n'avions pas à l'époque. Et le gisement de Palikao a dormi jusqu'à maintenant. Jusqu'à 1954. Jusqu'à 1954. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1954? Qu'est-ce qui vous a, qui vous a ramené à Palikao. Eh bien, en 1954, il s'était produit dans l'intervalle deux événements. D'abord, le congrès panafricain de préhistoire qui s'était tenu à Alger en 1952 et qui avait amené une excursion de préhistoriens du monde entier à visiter le site de Palikao. Et évidemment, le peu qu'on voyait les avait beaucoup intéressés et le vœu avait été émis que des fouilles puissent être prises. Et alors, grâce au professeur de préhistoire d'Alger, le professeur Balout, des démarches avaient été faites auprès des musulmans, des indigènes de la région, pour essayer d'obtenir qu'on puisse déplacer le cimetière, ce qui fut accordé. Et alors, tout de suite après, le gouvernement général de l'Algérie m'a fourni des moyens financiers et m'a demandé de me charger de faire une fouille dans le gisement de Palikao. Seulement, là, je crois que vous avez repris votre ancien objectif qui était de fouiller en profondeur sous la nappe d'eau. Justement, je me suis aperçu que malgré les moyens dont nous disposions, ce serait une très grosse difficulté d'attaquer le front de taille de la carrière où il y a des bancs de rochers qui couronnent le tout. Et j'ai repensé à ma première prospection de 1931 où je m'étais aperçu que le tréfonds de la carrière était très riche et représentait les plus anciens niveaux du gisement, par conséquent les plus intéressants, et c'est à cela que je me suis attaqué. Nous avons, avec mes collaborateurs, car moi c'était adjoint M. Hofstetter, maître de recherche du Centre National de la Recherche Scientifique, et puis j'avais emmené également le maître mouleur de mon service au muséum, M. Richir, et c'est avec ces deux collaborateurs que nous avons entrepris cette fouille qui a abouti au résultat que vous savez. Et quels ont été, en gros, les résultats? Vous avez d'abord sorti des ossements de faune fossile. Oui, alors nous avons donc creusé dans la partie inondée, avec des moyens assez puissants qui nous ont été fournis par le service de l'hydraulique. On a épuisé l'eau au fur et à mesure. Et nous avons sorti d'abord des ossements d'animaux fossiles en quantité. Nous avons trouvé en particulier un crâne d'éléphant atlantique, qui était une espèce connue seulement par ses dents. Nous avons trouvé un crâne avec les défenses. Puis nous avons sorti toutes sortes d'animaux sur lesquels je n'insisterai pas, toute une faune archaïque de type africain tropical, mais parmi lesquels il faut tout de même signaler la présence d'un Machairodus, qui est un survivant d'époque tertiaire, et d'un grand phacochère géant, analogue à ceux qu'on ne connaît à l'état fossile que dans les très vieux gisements du Quaternaire d'Afrique orientale et australe. Et étiez donc parfaitement daté. C'est donc parfaitement daté, car ce sont deux espèces, deux formes absolument typiques du niveau quaternaire ancien. Donc vous allez nous donner l'âge tout de suite, ou l'âge approximatif? Eh bien, l'âge approximatif se situe au début de ce que l'on appelle le Pléistocène moyen. C'est le correspondant, si vous voulez, des hautes terrasses de nos vallées fluviatiles, des hautes terrasses d'Abbeville qui ont fourni l'industrie chalienne. Et si on qui ont fourni l'industrie type, d'ailleurs, l'industrie l'Abbevillien. L'Abbevillien, n'est-ce pas? Et si l'on veut chiffrer ça dans la chronologie actuelle, dans la chronologie absolue, nous pouvons parler de 450 à 500 000 ans. Voilà l'ordre de grandeur. Et près du crâne d'éléphant, vous avez découvert... Alors, près du crâne d'éléphant, nous avons découvert une mandibule humaine, et à une trentaine de mètres plus loin, nous en avons découvert une seconde. À quoi ressemblent ces mandibules? Je crois qu'elles ont quelque chose de plus qu'humain. Alors, ces mandibules sont extrêmement primitives, massives, elles ont le menton fuyant, elles ont une épaisseur considérable, et en les étudiant, on constate... Et je m'excuse... Vous avez bien voulu me les montrer dans votre laboratoire. Ce qu'il y a de frappant, c'est qu'elles ont conservé leurs dents, pratiquement. Oui. Ce qui, tout de même, est un instrument d'étude de premier ordre. Justement. On les connaît donc très bien. On les connaît très bien, et précisément, ça nous a permis de constater, en les comparant à ce que l'on connaît des hommes fossiles, enfin des humanités fossiles anciennes, que c'était un représentant du groupe des pithécanthropiens, et un être très voisin du synanthrope de Pékin. Les dents en particulier, par leur dimension, par leur structure, par leurs détails, sont des dents énormes, mais qui ont toutes les caractéristiques que l'on trouve chez les dents des pithécanthropiens, et en particulier celles du synanthrope. Il y a des caractères primitifs, très archaïques, qu'on ne retrouve sur aucune race humaine actuelle, et qui sont absolument typiques, de sorte qu'on peut affirmer que l'être qui taillait les outils de type chelléen était des pithécanthropiens. Eh bien, si vous voulez bien, nous étendrons un petit peu cette enquête dans une prochaine émission pour essayer d'en tirer la morale, puisque à l'heure actuelle, l'origine de l'homme est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, en tout cas d'encre d'imprimerie, et qui domine beaucoup de succès littéraires. C'était Paris vous parle, découverte paléontologique d'un homme fossile à Palikao, en Algérie, avec le professeur Camille Arambourg, au micro de Pierre Richac, le 9 octobre 1954, sur la chaîne nationale. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.